Bonsoir à toi et sois le bienvenu dans Esprit Libre numéro 11. Oublie tout ce qui a été fait avant du 1er au 10. C'était nul, j'étais nul. J'ai été en dessous de mes souhaits, en dessous de tout. Et j'ai envie de réparer le truc. Tu vois, j'avais mon petit texte qui était écrit, puis je le lisais. Et en fait, ça rend rien. Tu vois, à l'écoute, tu entends que c'est lu. Tandis que là, je ne lis pas, j'improvise. J'improvise et peut-être que ce sera mieux, je ne sais pas. Ça sera à toi de me le dire. Cette émission, j'en ai rêvé depuis longtemps, très très très longtemps, et enfin je la réalise avec mes petits doigts, mon petit ordinateur, dans mon petit grenier. Alors, si ça te convient pas, tu écoutes autre chose. Si t'aimes pas ma gueule, ma voix, t'écoutes autre chose. Maintenant, si t'es là pour la musique, tu peux rester car je fais de mon mieux pour te proposer du bonheur. Du bonheur musical. Je vais t'en donner là tout de suite. Ah non, je vais faire autrement. Tu vas découvrir en même temps que tu écoutes les titres. Je ne te les dis pas. Je ne te les dirai que après. Après, c'est mieux, je trouve, qu'il y a un côté surprise. Je ne sais pas ce que t'en penses, toi. Hein, t'es d'accord? Ouais. Je te tutoie, mais ça se trouve, personne ne m'écoute. Bon, c'est pas grave, après tout, j'en ai rien à péter. Allez, bonne musique, bonne écoute, à tout à l'heure. Blanche-Neige, stick if tu peux. Dans l'ordre, tu viens d'écouter à l'instant Nino Ferrer avec Cannabis, extrait de l'album Métronomie, un album placé sous le rock psychédélique. Alors c'est un peu étonnant pour Nino Ferrer, mais moi j'aime beaucoup. Et ensuite un groupe français, Zoo, Rhythm and Boss. C'est commence plutôt bien, je trouve. Non, t'es pas d'accord avec moi ? Tu vas voir ce qui t'attend. Musique, on continue. Working man do. so nice, ready for wedding cries. Then you said no dice, what a sacrifice. Lynyrd Skynyrd, Gimme Back My Bubblets, et Stevie Miller Band avec le morceau Sacrifice. C'est ce que je viens de te mettre. On voit que dire d'autre. Rien à voir, rien à dire d'autre. C'est de la musique, c'est du bonheur. Je te laisse en compagnie de deux autres morceaux, dont un que j'affectionne particulièrement. Je te dis pas lequel, c'est mon petit secret. Allez, à toutes. T'écoutes Esprit Libre. Il faut le dire de temps en temps. Hein, c'est important. like it grew on the tree. They try to tell me about the birds and the bees. The skirt that you're wearing is way past your knees. Either light up or leave me alone. You're up all night, bitching your mind. Come home in the morning with your latest find. I'm gonna have to lay it to you straight on the line. Hear the light of the leave me alone. C'était James Gang, Funk Number 49 et Traffic, Like Light Up or Leave Me Alone. Voilà, tu as remarqué, je dis plus les titres des albums, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que dans les vraies radios, ils donnent rien, ils donnent aucune info. Et comme je mets surtout des titres anglais et que mon anglais est ce qu'il est, ça intéresse personne, donc je mets pas. Voilà, c'est tu peux retrouver toutes les infos sur internet, sur Google. On continue en musique. Ça c'est pareil, on continue en musique. Il va falloir que je trouve autre chose. Ah, c'est les débuts, si tu veux, c'est comme ça. Allez, musique, à toutes. So fine. Can You Feel It de Johnny Winter dans tes écouteurs. Et aussi Creedence Clearwater Revival I Put a Spell on You qui a été repris aussi par Tina Turner et d'autres artistes. Creedence Clearwater Revival a été repris par beaucoup d'artistes. Voilà. On va continuer tranquillement jusqu'à la fin. Il nous reste deux morceaux à écouter, plus le morceau bonus J'y tiens. Alors laisse-toi aller tranquille. Il y a ma voix qui te berce, ou qui te saoule d'ailleurs, je ne sais pas. ça m'est totalement égal. Allez, continue avec. Ah non, j'ai dit que je ne devais pas le dire. Je te donnerai les titres après. Chut. À toutes. Tu viens de te mettre dans les oreilles un morceau de Motorhead, Orgasm Motron, et Anthrax, I Am The Law. Voilà, l'émission est terminée. On arrive le moment d'aller se coucher peut-être, ou le moment de passer à table, je ne sais pas à quelle heure tu écoutes cette émission. Donc je te souhaite tout ça, bonne nuit, bonne journée, bonne année, joyeuse Pâques, joyeux Halloween, on arrive à Halloween. Et on va pas se quitter sans un morceau bonus, là je suis obligé de te le dire, c'est un morceau d'Asdes avec Jailbreak. À la prochaine pour un nouveau numéro, et n'hésite pas à laisser des petits messages sur ma page Facebook, surtout c'est important, ça m'aide à avancer, ça m'aide à faire, à savoir ce que je fais de bien, pas bien, voilà, c'est tout, allez, à plus. A plus dans le bus. J'adore cette expression. A plus, Actarus. There was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years in hell. Him.